la nuit tombée sur l'avenue. Les arbres cachaient toute la misère de la ville qui criait au loup faisant se terrer les diurnambules. Elle était là sur le bitume comme un enfant que l'on a humilié pour rien. Oiseau blessé par les marées noires mercantiles, le cœur trop lourd, un peu perdu, l'amour est lourd, l'amitié funambule, le cœur trop lourd, un peu perdu, l'amour est lourd, l'amitié funambule. La villa travers bitume soufflait de sa froide voix. D'où tu viens? D'où tu viens? D'où tu viens? D'où tu viens? D'où tu viens? D'où tu viens? D'où tu viens? D'où tu viens? D'où tu viens?